Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et donc, bonsoir à tous, 0h23, pardon, on attaque avec 7 minutes d'avance. Donc, bonsoir à Rigo. Donc, Rigo, si tu as des réponses sur le thème du débat de ce soir, tu fais comme la semaine dernière, t'hésites pas. Ok, pas de problème. Fildard. Salut. Gérard, ça va? Toi, pas comme la semaine dernière. Nickel. Ok. Au débat, Manu. Bonsoir, Gérard. Au standard. Oui. Donc, pareil, s'il y a un problème, je te signale... Tu dis le nom de l'auditeur et je le dégage voilà. Aussi sec. Et donc, Olivier Dapro, qui est un peu plus loin derrière, qui viendra nous rejoindre pour le deuxième débat pour faire l'AREA. Ouais. Donc, on va attaquer tout de suite avec J'ai déjà Bernard sur le Minitel du 75 qui dit qu'il t'aime. Gérard, je t'aime. J'aime tes débats. Non, j'aime tes débats, il veut dire. Non, mais pour l'instant, on commence pas comme ça. On va déjà accueillir les gens. Donc, Sucre d'Orge, bonsoir, 20 ans de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Donc, on peut écouter Fun Radio sur 101.9. Ouais. D'accord. Braguette. Bonsoir, Gérard. 22 ans de Clermont-Ferrand. On écoute Fun Radio sur 96.6. Oui. Coquelicot, 19 ans de Troyes. Bonsoir Gérard. Donc on peut écouter Fun Radio 102.2 FM, c'est ça? 102.2. Ouais. C'est moi. Ça c'est du côté de chez Fildard. Christian de la Selle-Saint-Cloud, 56 ans. Bonjour Gérard. Pourquoi Bounty? Parce qu'il a voulu s'appeler Bounty, c'est drôle. Non mais on aurait pu laisser Christian, c'est pas grave. Ah, oui. Donc 101.9. Moustache, ouais, 21 ans de Toulon, on peut écouter Fun Radio sur... les filles, vous calmez s'il vous plaît, merci. Ouais, okay, calmez-vous là. Moustache, c'est pareil. Ouais, ok, j'ai. C'est quoi, 93.1, c'est ça? 93.1, ouais, et ouais. Briquet. Bonsoir, j'allume le feu ce soir. Ouais, vas-y, moi aussi. Non, mais... Alors, Tony et Arnett, vous allez commencer à vous calmer tous les deux. Non, mais il n'y a pas, Tony, y a pas de Tony et Arnett ce soir. Ouais, non, mais, non, il n'y a pas... Non, mais ils vont pas commencer à me dire, on va vous mettre le feu, ok? Donc, Beson. Beson, c'est 95. Donc, on peut écouter Fun Radio sur 101.9. Exactement. Voilà, non, 104.8. Ah, pardon. N'est-ce pas, Manu? Je dis ouais. Ok. Alors, première question, donc je pense que vous l'avez écouté, on en a discuté juste avant la pause. Ouais, pollution, c'était la pollution dans la ville. Oui. SN. Voilà. Qui c'est qui a un téléphone portable? C'est pas moi, c'est pas moi. Non, il n'y a personne, c'est parce qu'on est en train de refaire le son, c'est pour ça. Ah oui, mais... J'ai juste arrêté de souffler dedans aussi. Oh, c'est pas drôle, ça. Bon, qui c'est qui vient de dire ça? C'est bon, j'ai coupé. Alors c'était quoi la première question, Gérard? Alors la question, on l'a posée juste avant. Il faut la relancer parce que tu sais, ils ont peut-être réfléchi. Donc, pensez-vous que la Seine est trop polluée? Oui. Sucre d'orge. Alors, sucre d'orge, vas-y. Bah oui, elle brille. Il y a plein d'huile, toutes les couleurs. La Seine est toutes les couleurs parce qu'elle est vraiment trop polluée, ça brille. Ouais, mais dans un autre sens, c'est joli. C'est joli, mais... Non, attendez. Stop. Pensez-vous que la Seine est trop polluée? Moi, je peux... Allez-y, répondez tous. Donc, sucre d'orge? Moi, je dis que oui, bien sûr, elle est trop polluée. On ne peut pas se baigner. Oh, ben, tu crois que tu as de baigner dans la Seine, quoi? Elle est dégueulasse, là. Elle est dégueulasse, là. Ben, d'accord. La Seine est très polluée. Ouais, d'accord. Bounty? C'est toi, Bounty? Oui. Donc, c'est Christian de la Seine 5. Ah, ouais, okay. Coquelicot? Extrêmement polluée. Baguette? Braguette. Ouais, je trouve qu'elle est polluée, mais en même temps, c'est sympa, quoi. T'as des rats, t'as plein d'animaux, t'as des jolies couleurs sur l'eau. C'est vachement animé comme région. Mm-hmm. Moustache. Ouais, bah moi je dis, elle est polluée, la Seine. Voilà. Briquet. Ouais, la Seine, c'est dégueulasse, c'est des gens qui balancent plein de trucs, alors qu'il y a à peu près, je sais pas, 80 ans, on pouvait se baigner dedans, quand même. Non. Si. Oh. Il y avait des gens qui allaient se baigner dans la Seine parce que c'était propre avant. Alors, moi, je vais te dire une chose. Oui. Tu pourras me dire en quelle année que la Seine a été trop polluée et qu'on pousse se baigner dedans? Je crois que c'était en 1910, un truc comme ça. Ouais, ben, je pense que, à mon avis, là, je crois que tu te trompes vachement. Parce que la Seine, oui. elle est polluée, et de toute manière, tu ne peux pas te baigner dedans. Pourquoi? Parce que moi, je vais te dire pourquoi. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, j'espère. C'est que toutes les personnes qui viennent avec leur péniche ont l'habitude de balancer des saloperies. Des ordures et tout. Des ordures. Et moi, je peux te dire une chose, que là, vers le... j'ai des écluses où j'habite, et faites-moi confiance que là, à chaque fois qu'ils ouvrent les écluses pour laisser passer les péniches, eh ben, faites-moi confiance que ça reste bloqué. Y a aucun truc qui s'en va. Ouais, bien dit. Mais il y a une centaine d'années, les gens, c'était pas ça. Hein? Ouais, mais il y a 100 ans, ça existait pas, les péniches, Gérard. Voilà. Non, mais attends, de toute manière, les péniches, je sais pas. Il y a 100 ans, je sais même pas si la Seine, elle existait. Alors, non, non, non, non, mais moi, je peux vous dire une chose. Qu'à l'heure actuelle, de toute manière, on peut pas se baigner. Moi, j'ai vu une fois une personne, je sais pas comment qu'elle a fait son compte, elle est tombée. Je sais pas si c'est le mec qui a dérivé ou autre, mais le mec il s'est gouré et tout le monde est tombé. Il y en a une qui est tombée dans la Seine et justement les clous s'ouvraient. Ouais, mais c'est normal si le mec c'était une ordure. Non, mais c'était une nana. Ah ouais. Bah c'était peut-être une ordure. Oh, non, non, mais on sait jamais. Ouais, c'est vrai. Donc, excuse-moi, moi par contre j'ai vu un mec tomber dans la Seine et ben il est mort noyé quoi. Non mais attends, toi avec tes conneries... Mais non, c'est pas une connerie, il est mort noyé. Est-ce que ça vient de la pollution ou pas? Non mais ça, c'est... Ça n'a pas de rapport avec le débat de toute façon. Non, mais de toute manière, c'est même pas une des questions. Ouais, alors... C'était pour avoir ton avis, hein. C'est pas une des questions. J'ai un petit message Minitel de Orem, qui a 23 ans, qui est dans le département 77, qui dit « La Seine c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans ». Non, non, non, non, mais ça, je vais te dire une chose. Les gens qui s'amusent à pêcher dans la Seine, les poissons peuvent les laver au vinaigre. Merci. Ça, je peux te dire que les poissons sont... la personne qui pêche dans la Seine peut laver ses poissons avec le vinaigre parce que... C'est la pollution. Non, mais même, le poisson, il sera immangeable et tout. Pourquoi? Non, moi. Mais non, mais. Parce qu'elle pue la Seine. Elle pue la Seine. Ouais, mais elle pue, c'est de notre faute à nous. Elle est de Paris en même temps. Exactement. Ouais, non, mais faut dire une chose, c'est que faut voir que dans la Seine, à l'heure actuelle, les gens balancent n'importe quoi. Même ceux qui sont en péniche, je pense qu'on doit en avoir qui nous écoutent des pénichiers, ouais. Des bateliers, on appelle ça des bateliers. Ah ouais, pardon. Donc je pense qu'ils doivent nous écouter. S'ils nous écoutent, arrêtez de balancer n'importe quoi. Arrêtez. Quand on voit des bouteilles de flotte, des bouteilles de vide, tout ça. C'est dégueulasse. C'est horrible. Mais oui, mais jusqu'à. Mais attendez, moi je Rigaud. Une question internet. Sur l'IRC, il y a Shun qui me disait qu'est-ce que tu penses du fait que Jacques Chirac avait dit qu'il se baignerait dans la Seine. Non, mais ça, on va pas parler politique là-dessus. Politique, Rigaud. Pas politique. Donc là-dessus, on va pas continuer. Donc moi, je peux vous dire une chose, c'est que là, c'est que ça va trop loin. Moi, je peux vous dire une chose, qu'il y a même les gens, ils s'amusent à nous balancer n'importe quoi, et après, ça reste coincé. Dès qu'ils ouvrent les écluses, ça reste coincé. Ouais. Et je vois, c'est en 95 ou 96, la fois où qu'on a eu une chaleur à crever, ouais, c'est que les poissons, ils étaient morts, ils remontaient. Et là, ils ont fait appel donc au... La DDE ? Non, au responsable des travaux de la Seine pour nettoyer tout ça, parce que c'était impossible. C'était impossible de pouvoir continuer comme ça. Donc, deuxième question. Faut-il... fumer est-il un moyen de pollution ? Donc, on va demander à Briquet. Moi, je m'allume des cigarettes. Et non. En fait, non, ça pollue pas. Ah bon, bon pour la santé, c'est ce que m'a dit mon médecin. Ouais. En fait. Ben ton médecin, tu me donneras son adresse, j'irai le voir. Ok. Hein? Pas de problème. D'accord. Ok. Moustache. Moi je veux dire que ça pollue, hein. Parce que t'as vu le nombre de gens qui fument. Mm-hmm. Et puis moi je dis ça a beaucoup de fumée tout ça. Hein. Ouais mais attends, moustache. Ouais. Moussaf, moi je veux dire, fumer est-il un moyen de pollution? Ouais, bah ouais, ça pollue non seulement le corps, mais en plus ça pollue l'oxygène qu'on respire. Non, mais de toute manière. Bah, attendez, s'il vous plaît, derrière là. C'est les filles, ça. C'est les filles encore. Ah, oui, non, coquelicot. C'est sucre d'orge, on se calme. On se calme, c'est un second du monde derrière, vous avez. On parle plus, on écoute. Non, mais vous calmez parce que là, j'ai pas envie de faire un débat de merde ce soir. Ok? Non, donc moi je vais répondre à Moustache. Voilà. Donc pour toi quand tu fumes, pour toi ça tu veux dire que tu pollues tout le monde. Ouais bah ouais. Hein. Ouais mais alors moi je vais te dire une chose, moi qui ai l'habitude de fumer, moi je peux te dire une chose que bon d'accord Sandy elle aime pas quand je fume parce que si j'allume 6 jours pas à la fenêtre, elle peut pas supporter l'odeur de la cigarette. Normal bah ouais si elle aime pas. C'est logique. Hein. Ben oui, mais alors dans ces cas-là, quand tu es dans une voiture, ouais. Bon, admettons que tu conduises, que le chauffeur qui est à côté de toi, ouais. Par exemple le passager, ne fume pas, mm-hmm. Est-ce que tu vas continuer à fumer pour l'empester? Ben non, carrément pas, quoi. C'est une question de logique. Alors, attends, Moustache. Ouais. Qui c'est qui dit oui? C'est Braguette. Oui. Il est pas content, il prend sa voiture. Hein. Moi, je fume dans ma voiture. Si. Ouais, mais attends, Braguette. Si par exemple le passager ne fume pas, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fume. Moi, je suis dans ma voiture. On va dans un autre endroit. Voilà, qui? Christian. Bounty, ouais, Christian. Donc toi, tu vas dans un autre endroit. Oui. Mais non, Moustache. Non, attends, Moustache. On va demander à Bounty quand même parce que. Donc, dans un autre endroit ou dans une autre salle? Ouais, mais par exemple, mais admettons Bounty, oui. Christian, oui. Admettons que t'as pas d'endroit pour non-fumeurs, tu vas où? Dans les WC. Ouais, mais si c'est interdit. Non, mais si admettons dans les WC, c'est interdit. Bah tu vas aller dehors. Ouais, mais dans ces cas-là, dehors, ok. Mais est-ce que tu pourras re-rentrer dans là où t'étais? Non, c'est interdit. C'est interdit. Non, parce que regarde, si tu fumes, tu vois, parce que t'es dans un lieu interdit, donc tu vas fumer dehors. Et le problème, c'est qu'après, tu sens la fumée et que t'as encore de la fumée, donc si tu rentres... Non, mais attends. Pour l'instant, Fildar, c'est pas toi que je m'intéressais, c'était Christian. Ah, pardon. Alors. Donc, Christian. Ah, ouais. Donc, admettons que tu sortes pour fumer une cigarette. Ouais. Est-ce que tu pourras re-rentrer dans la boîte? Non. Ah, bah non. Voilà. Donc... On était dans la voiture, là. Hmm. On était dans la voiture et tu nous parles de boîte. Ouais, ouais. Bah oui, mais dans la boîte de nuit, de toute manière, souvent, moi, t'as... Ouais, non, mais... toi, tu fumes pas. Bah si, moi, je fume. Hein. Bon, bah donc, dans les boîtes de nuit, de toute manière, c'est... on a le droit de fumer. Bah, tout à fait. On est bien d'accord. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, par contre, si t'as une personne qui est à côté de toi qui ne supporte pas la cigarette et qui te dise est-ce que vous pouvez arrêter de fumer, qu'est-ce que vous faites? Bah, il sort. Ah ouais, mais si elle est dans une boîte de nuit, tu vas lui demander de sortir. Ah bah il fait ce qu'il veut, s'il supporte pas, il va plus loin. Mais il change de coin. Exactement. Ah voilà, c'est ce que je voulais entendre dire. Alors, voilà. Ouais, c'est chiant, ça. GG. Oui. Moustache. Oui. Moi je dis quand même, c'est celui qui fume qui doit se barrer, non pas celui qui fume pas et qui est dérangé. Ah non, c'est... Ouais, non mais attends, Moustache, tu vas pas demander, par exemple, si toi t'as pas envie de fumer... Ouais. Tu vas pas dire à la personne, si tu fumes pas, tu dégages. Mais non, justement, c'est le contraire. La personne qui fume pas, normalement, elle doit rester à sa place. Ouais, mais c'est la plus gênée qui s'en va, alors. Exactement. Ah ouais, mais bon... Ouais, mais dans une boîte de nuit, tu vas pas dire, tu fumes pas, tu dégages. Moi, je fume et c'est tout, point final à la ligne. Ouais. Mais moi, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport sur la question. Parce que d'accord, j'ai peut-être une solution, c'est qu'en fait, les personnes qui fument pas et donc qui sont avec des gens qui fument, en fait, ils sont peulés parce qu'après, ils puent la fumée. Ouais. Ouais, en plus. Ouais, non, mais ça... Vêtements. Ouais, mais ça s'imprime sur les vêtements, ça. Je suis d'accord avec... qui c'est qui vient de... Fildar, de Paris. Non, mais attends. Attends, c'est... Fildar, on sait que c'est toi, de Paris. Moi, hein? Je savais pas. Donc, c'est Bounty ou Bounty. C'est Christian ou Moustache, là? Ah, c'est Moustache. Non, mais je voudrais bien que les trois filles aussi réagissent un peu, là. Allez, non, parce qu'on les entend pas assez, là. Non, ouais. Attends, j'ai vraiment pas le temps. Allô? Non, mais... Oui. Ah, oui, non, mais nous, on est là, on écoute, on est passionnés. Non, mais... On se dit que fumer, de toute façon, ça se salit, on sent dans les doigts, on sent dans les vêtements, on sent partout, donc on est grillé. Hein. C'est une bonne odeur qui pue bien, moi, je trouve. Ouais, mais moi dans ces cas-là... Oh là, qui c'est qui a un téléphone pourri, là? C'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Là, c'est le sucre d'orge, là. Oui. Ouais. Enfin, moi, je trouve que, je veux dire, tu sors dans la rue, les voitures, ça te dérange, tu vas pas dire au gars, enfin, si, tu vas pas dire au gars, vas-y, arrête de conduire, quoi. Bah, si, c'est pour ça que... Attends, hey, sucre d'orge. Oui. Je vois pas le rapport avec la fumée de cigarette. Ah, mais si, c'est de la pollution, quoi. Mais non, mais justement, on va en parler des voitures. Ouais. Ok, j'anticipe pas. Hein, on va en parler. Donc pour l'instant, je parle de fumée. Par exemple, moi je peux vous dire une chose, qu'il est là, et il peut très bien le réagir, il est planqué derrière moi là-bas, il peut très bien prendre la place à fil d'art, c'est que lui, quand il vient dans les studios et qu'on fume, ça le dérange. Et dans les soirées, il y a certaines personnes qui fument, mais est-ce que ça te dérange à toi, Max? Ah, d'abord, bonsoir. T'appelles d'où? Donc savoir si ça me dérange la cigarette. Mmh. Dans des lieux comme les discothèques. Voilà. Non, sauf si une personne qui fume et qui va me mettre la fumée dans la gueule, quoi. Mmh. Ouais, mais j'ai remarqué ça dimanche en étant dans un lieu public qui était. Ouais, mais non, mais attendez. J'étais dans un lieu public qui était le Parc des Princes et je voyais quand même des mecs qui fumaient le cigare. Sauf qu'eux ils fument le cigare, donc c'est quand même un truc qui empeste. Mmh. Mais eux, quand ils recrachent la fumée, à aucun moment ils se la prennent dans la gueule. Par contre, ils l'envoient à la gueule de gens qui ne fument pas. Mmh. Donc le minimum, c'est au moins quand tu fumes, c'est de voir si tu déranges pas des gens autour de toi. Ouais. Mais moi, par contre, il y a une paire. Je pense que si on balançait, on pourrait me balancer 2-3 aplos. Quand même. Bravo, chef. Mais moi, je peux répondre à la personne, je sais pas, c'est Sucre d'Orge ou Braguette ou Coquelicot, oui, qui a dit ça. Quand on envoie la fumée sur la personne d'un mec, ça veut dire qu'on l'aime. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai 2 paquets de cigarettes, même voire 3. Et sur les 3, c'est marqué. Mais tu fais un débat sur la santé. Nuit gravement à la santé. Mais nuit ou jour? Ah, mais ça c'est. Mais c'est nuit et jour ou c'est nuit gravement dans le sens de la nuit? Non, c'est nuit gravement à la santé. Mais c'est juste la nuit. Donc le jour, c'est pas dangereux. Toléré. Ben, fumer. Fumez nuit à votre entourage. Pourquoi parle de la nuit? Ben, c'est ce qui est marqué sur les paquets. Hein. Ouais, je suis désolé. Pourquoi ils disent que c'est la nuit? Ben, je sais pas. Je pense que ma nuit. Oui. Bon, je sais pas si on est vraiment dans le débat de la pollution avec. Ouais, non, je sais pas si on fait un débat sur le tabac et sur le cancer ou si on fait un débat. Ah non, mais je crois qu'on est un peu sorti du débat, mais par contre, c'est vrai qu'il faut y réfléchir. Pourquoi on dit nuit gravement? Pourquoi c'est la nuit grave? Lui gravement parce que ça esquinte ça esquinte la santé. Ça c'est un débat qu'on fera peut-être la semaine prochaine. Voilà, c'est un débat qu'on fera la semaine prochaine. Okay. Donc t'as répondu Gérard. T'as répondu à la question. Oui. Ouais. Donc on peut passer à la troisième. Voilà. Donc un incident provoque-t-il une pollution? Un incident. C'est-à-dire, tu peux expliquer un incident, ce que tu entends par incident, parce que... Quel genre d'incident? Non. Un accident de voiture, des trucs non, comme ça? Non, un incident. Quel genre d'incident? Bon, même un incendie. Ah non. Ah ouais. Un incendie, ouais. Ouais, c'est un incendie, par contre. Pardon. Non, parce que c'est moi qui me suis trompé. C'est un incident. Provoque-t-il un incendie, par contre, je vais y arriver. Un incendie provoque-t-il une pollution? Donc, on va demander à Sucre d'Orge. Oui, un incendie accidentellement incendieux? Non, mais Oh là, Sucre d'Orge, c'est un téléphone pourri. Ah bon? Ouais. Je pense que t'as un portable. Ah non, j'ai le téléphone de chez moi, tu m'entends pas bien, là? Ah non, parce que là, j'ai un grésillement, c'est pas possible. Ça vient pas d'eux, en fait. En fait, je crois que c'est pas nous, c'est... C'est le standard de fun. Il déconne, hein. Non, c'est le standard de fun, on peut rien faire, juger. Ouais, ce qu'ils sont en train de refaire derrière. Moi aussi, j'ai le même. C'est pareil, partout. Ah, baisse un peu ton casque, alors. Allez. C'est bon, tu m'entends? Donc, sucre d'orge. Oui, ben ça pollue, hein. T'as vu la fumée quand il y a un incendie dans le midi, là, avec les canadaires et tout, c'est de la pollution. Ouais, ça pollue grave. Ouais, mais non, mais attends, je vois pas sucre d'orge. Oui. Je vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport? Je vois pas le rapport avec un incendie. Oui. Et un accident? Non, mais un incendie plus les canadaires. Parce que qu'est-ce que le canadaire a à voir dans les incendies? Le canadaire, il provoque pas une pollution. Non, mais quand il y a un incendie, il y a un canadaire. Si Gérard, le canadair, il provoque la pollution puisqu'il va chercher l'eau dans la mer et certains endroits, tu vois, la mer elle est polluée. Et quand le canadair il saute, ça fait plein de fumée blanche sur le feu. Non mais ça c'est l'eau, ça c'est l'eau qui ressort de. Ça touche la peau. Top. Gérard, s'il vous plaît, le canadair là, il y a bien de l'essence dedans. Non mais attends Manu, je sais pas si t'as regardé le reportage sur les canadairs. Ils ont une trappe en dessous qui prennent l'eau. Ouais mais moi justement d'accord. J'avais vu ce reportage et ils avaient pas de pastille verte sur le pare-brise les canadairs. Non mais on s'en fout de la pastille verte. Donc ça pollue. Ah mais Gérard, oui, ils prennent de l'eau pour éteindre le feu, mais pour décoller, il y a des gaz d'échappement. Non. Ils prennent bien de l'essence, ils veulent pas à l'eau. Non. Ils roulent pas à l'eau quand même. Non, je suis pas d'accord avec vous. Donc on va demander à Brigade. Par contre, t'essayes de voir avec ce sucre d'orge si elle peut pas changer de poste parce que là. Toujours pas là. Non, j'essaye de changer de poste, voilà. T'es quoi, t'es... Non, t'es lié droit, c'est ça? Braguette. Tu te mets en pilier. Je passe en avant? Ouais. Okay. Braguette. Oui. Ouvre-la un peu. Allô? Braguette. Oui. Bon, alors toi? Moi, je dis que, ça pollue, mais bon, c'est bien, quoi, parce qu'après, les forêts repoussent et c'est de la bonne pollution, quoi. Non, mais tu parles. Oui. Tu crois... Attends, Braguette. Yes. Braguette. Oui. Tu crois que même en éteignant un incendie, oui. Tu crois que après ça va repousser? Mais exactement, ça repousse. Ah oui. Mais alors ça met combien de temps pour repousser? Mais ça met 10-20 ans, mais c'est de la bonne pollution qui va te donner une bonne forêt. Ah oui, quand tu vois 120 000 hectares qui partent en fumée. Ouais. Hein? Que les gens sont derrière, qui ont des habitations, qui ont l'habitude de voir de la verdure, et que maintenant, ils voient que simplement des arbres qui sont partis en feu, tout ça, oui. Et tu crois que, ça, pour toi... Ça, c'est le coup du sort, c'est des pauvres gens, c'est grave pour eux. Mais bon, avoue quand même qu'une forêt incendiée, c'est vachement beau à regarder. Non. Non, Braguette. Ferme-la un peu. Non, Braguette. Oui. Ferme-la. Braguette, oui. Moi, je vais te dire une chose. Même derrière, là, Moustache et Briquet, vous calmez parce que... Et Brunty, là. Ouais, ben, Brunty, Christian... Ouais, non, mais Christian, 5 minutes. Christian, s'il te plaît. Oui. On se calme. Je réponds à Braguette, d'accord? Oui. Donc, moi, je peux te dire une chose, Braguette. Moi, c'était... J'ai regardé les infos, et quand tu vois ce qu'on abuse cette année, qui sont partis en fumée, fais-moi confiance que c'est toute la ville qui va payer pour remettre tout ça en état. Et quand tu vois des arbres, qui partent en fumée, c'est pas possible. Tu trouves ça vachement beau, un arbre en porte? Non. Moi, je vais te dire une chose... Que je préfère regarder des arbres qui fleurissent et tout. Oui. Bravo. J'adore voir les arbres en feu. Bah, ouais, ben, dans ce cas-là, toi, du côté. Ah, c'est dommage. Tiens, en fait, Braguette, ouais. ça aura pas le thème du débat. Oui. À Clermont-Ferrand, est-ce qu'il y a des volcans? Oui, il y a des volcans à Clermont-Ferrand. D'accord. Ok, je te remercie. Bravo. Non, mais c'était simplement pour savoir. Ok, donc on va demander à Coquelicot de répondre. Bah oui, moi je crois que ça pollue, mais je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose, parce que c'est des choses qui arrivent naturellement et on ne peut pas arrêter ça, quoi. Contre, moi je suis contre, sucre d'orge. Bah c'est sûr. Oh là là, mais qui c'est qui a un téléphone pourri, là? Ça vient pas du standard, Gérard. Oh là, c'est mauvais dans le temps d'un... C'est vrai que c'est chiant, mais on peut rien faire. Non, mais on a un téléphone pourri, là. Donc, Coquelicot. Oui. Elle vient de répondre, Gégé. Donc, tu viens de répondre. Christian de la Seine-Saint-Cloud. Oui, ben, moi, je suis d'accord avec les autres. Il y a pas mal de fumée. Ouais. Il y a des fumées de cheminée, exactement, aussi. Non, mais attends, Christian. Ça pollue, ça, au fait, Gérard, les feux de cheminée ou pas? Non. Pourquoi? Non, mais attends, ça dépend s'ils sont bien allumés dans l'appartement. Et Gérard, oui. Ça pollue les feux de bois ou pas? C'est qui pose... C'est Briquet. Est-ce que ça pollue les feux dans les forêts? Mais attends, on vient de... Hey. Non, oh, briquet. Oui. Tu vas aller voir Manu au standard, s'il te plaît. Mais attends. Attends, tu vas aller... tu vas être gentil. Tu vas aller voir Manu au standard, parce que je viens de... J'ai répondu à la question à Braguet. Ouais, tu suis pas briquet. Hein. Mais si, mais... Non, non, mais tu... Compris, tu... En fait. Ouais, mais t'as pas compris. Ben, tu vas aller voir Manu. Il va te faire comprendre au standard. Rigo. Oh là là. Oui, sur IRC, il y a Lagafou qui te demande si péter, ça pollue. Ouais. Ça dépend si les fenêtres sont toutes fermées. Même dans un lit, ça peut polluer. Je peux dire oui. Briquet, s'il te plaît. Oui. Tu n'as rien dit, Gérard, c'est pas lui. Non. Mais Briquet, tu le reprends au standard, il va comprendre. Tu expliques la troisième question et tu le remets après. Mais... Là, on finit la troisième et je pose la quatrième. Ouais. Bounty. Oui. Ah ben, toi, t'as répondu. Tu m'as parlé de je sais plus quoi, là. Fumée de cheminée. Ouais, fumée de cheminée. Ok, t'as répondu. Donc, moustache. Ouais, moustache. Ouais, mais alors moi, je vais répondre à Coquelicot. Parce que Coquelicot, elle a dit qu'en fait, on pouvait rien faire contre les incendies. Eh ben, elle dit n'importe quoi. Parce que les incendies, il n'y en a pas que des naturels, il y en a aussi qui sont provoqués par des gens. Mais attendez, moustache et Coquelicot. S'il vous plaît. Ouais, du calme. Vous écoutez? Là, d'accord, je suis d'accord avec vous. Il y a des incendies qui sont... il y a des incendies qui sont provoqués pendant l'été. Mais ça, on ne peut pas savoir qui c'est qui les provoque. Ouais, tu peux mais oui, mais de toute manière, quand vous prenez une nationale ou autre, Vous voyez que c'est marqué interdit de fumer, donc je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui s'amusent à fumer ou qui laissent leur mégot. C'est des pétomanes, ça. Ben oui, mais dans ces cas-là, pourquoi que les gens savent que c'est interdit de fumer, pourquoi qu'ils laissent leur mégot allumé? Parce que c'est des pétomanes, ils le font exprès. Ça les fait jouir de mettre le feu. D'accord. Ouais, on a un peu de simple. C'est classe, les gars. Donc on peut dire que les pétomanes sont des pollueurs. Ouais. Ben voilà. Ouais. Donc, Briquet, il a quand même... Briquet a tout pigé, a tout compris. J'ai compris. C'est bon. Alors, pour toi En fait, vu que j'étais au standard avec Manu, j'ai pas très bien compris la question. Oh non, mais arrange-toi. Non, mais c'est normal, je lui ai expliqué, Gérard. Il m'expliquait de me calmer, tout ça, donc j'ai pas pu entendre en mettre en feu. Donc, oui. Un incendie provoque-t-il une pollution? Moi, je pense... Non, mais vite. C'est bon, laisse-moi le temps de répondre. Je pense que oui. D'accord, c'est une bonne réponse. Hein. Ouais, quoi ouais, bref. Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, Gérard, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, personnellement, moi, je vais te dire une chose. Ce que je pense, c'est déjà que on devrait respecter tout ce qui nous est interdit quand on part en vacances. Mmh. Et même à l'heure actuelle, c'est ce qu'on devrait respecter, les endroits où on n'a pas le droit de fumer. Ouais. Moi, celui qui renifle comme un veau, il va se calmer. Il doit prendre ses comprimés parce qu'il est malade. Ah ben, s'il est malade, il va redégager au standard, ça va aller vite pour moi. Et donc? Dans ces cas-là, il faut mieux respecter l'avis des gens. Faut respecter la nature. Ouais. Parce qu'en fin de compte, la nature, qui c'est qui la paye? C'est nous. Bah ouais. C'est nous. Ben, qui c'est qui paye? C'est cher en plus. Oui, mais qui c'est qui paye derrière? C'est nous. C'est contribuable. Oui, mais on paye sur les impôts. On paye là-dessus pour redonner goût à la vie. Et qui paye ça? On paye des impôts. C'est contribuable. On paye des impôts, donc c'est nous qui payons, en fin de compte. C'est pas parce qu'on achète une voiture. Si par exemple une voiture prend feu dans une forêt, la forêt va prendre feu. Mais en fin de compte, qui c'est qui est responsable? C'est nous, parce que après faut reconstruire tout ça. Faut reconstruire la voiture en question. Donc, alors, la quatrième. On va mettre un petit disque. Ouais, ouais. Et donc, alors, je pose la question. La télé est-elle un moyen de pollution? Et on va s'écouter Baba au rhum avec des petits loups de nez. Tu peux rappeler le numéro, Gérard, aussi. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours le 3615 Code Fun Radio et l'IRC, Rigo, s'il te plaît. Oui, je suis là, irc.funradio.fr. Et il y a 25 connectés sur le Minitel quand même. Ouais, mais si on a des réponses sur les questions, je voudrais bien que tu me les donnes, Rigo, comme la semaine dernière. Merci. Pas de problème. Et voilà, vous venez d'écouter Baba au Rhum avec des petites petits Lounais, voilà. Voilà, les petits Lounais. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000. Toujours le 3615 4 Fun Radio rubrique directe et bien sûr l'internet où que Rigo vous attend. Vous pouvez réagir sur le débat, il n'y a pas de problème. Je vous répondrai en direct. Voilà. Donc alors, quatrième question. La télé est-elle un moyen de pollution? Donc on va recueillir sucre d'orge, oui. Braguette. Coquelicot. Oui, oui. Christian de la Seine-Saint-Cloud. Oui, oui, je suis là. Moustache. Oui, je suis là. Briquet. Et... C'est tout. Et... Il n'y a personne d'autre. C'est bon. Et donc on commence avec qui, Gérard? Et on va commencer avec sucre d'orge. Oui. Eh ben oui, t'as raison, GG. La télé, c'est un moyen de pollution énorme de l'esprit, hein. Surtout certaines chaînes, les premières, là, tu vois. Ouais. Et si tu les regardes. Non, mais attends. Je dis pas de nom de chaîne, hein. Je dis simplement celles qui commencent les numéros, là. Oui. Eh ben, si tu les regardes trop souvent, tu finis par devenir comme elles, quoi. D'accord. Ouais, c'est pas mal ce qu'elle dit. T'as compris, GG? Non. Bien comme la chaîne, pareil. Ouais, d'accord. Braguette. Oui. Non, c'est pas un moyen de pollution, c'est un moyen de communication. On te communique des informations. Elle parle avec la télé, elle. Non, mais je pense qu'elle doit parler avec avec un gorille derrière. Il y a un gorille derrière. Ouais. Donc ça y est. Ah ben c'est bien, Braguette. Coquelicot. Oui, moi je crois que c'est un moyen de pollution. Mais enfin, ça dépend pour qui. Hein. Parce que moi je dis, je sais pas, il y a des trucs qui sont intéressants quand même. Hein. Faut pas tout rejeter dans la télé. Mm-hmm. Mais est-ce que tu crois, Gérard, que la radio c'est un moyen, c'est quelque chose qui pollue plus que la télé, Gérard? Ouais, quand les Gérard, ouais. Gérard, on est là. Hein, est-ce que tu crois que la radio ça pollue plus que la télé? C'est ce qu'on demande sur Minitel. Non, je pense pas. Pourquoi? Non, je pense que le Minitel, de toute manière, c'est un truc pour les gamins, s'ils ont envie de dépenser leur pognon là-dedans, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas ça la question. La question c'est est-ce que la radio ça pollue plus que la télé ? Moi c'est ma réponse. Ah bravo. Moi c'est ma réponse. Donc Christian. Oui, mais moi j'adore beaucoup le débat à la télé. Mm-hmm. Il y a pas mal de débats que j'écoute en deuxième et en première. D'accord. Non, mais je vois pas le rapport avec la question, Christian. Oui, mais... C'est sa réponse. Ah, c'est ta réponse. Voilà. C'est ta réponse. Ok. Moustache. Ouais, ben moi, je veux dire que la télé, c'est... Bon, en ce moment, il y a un peu que de la merde, quoi. Hein? S'il y avait des émissions un petit peu plus intellectuelles, tu vois, j'ai... ça serait mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais attends, je vois pas... Moustache. Ouais. Je pense que t'as pas très bien compris la question, mais c'est pas grave. Si, j'ai bien compris. Non, je pense à mon avis, t'as pas compris la question. Répète-la, alors. Non, mais je te la répète pas. Briquet. Oui, alors moi, avant de répondre à la question, je voudrais quand même te demander ton avis, oui ou non, est-ce que ça pollue? Toi, je voudrais que tu me répondes avant. Non, mais moi, maintenant, tu vas répondre à la question parce que c'est pas toi qui me pose la question, c'est moi qui vous les pose. J'aurais répondu par rapport à ta réponse, en fait. Non, mais moi, maintenant, tu vas me répondre à la question. Bah, aide-le un peu. Donne-lui ta réponse déjà, comme ça l'air. Non, mais attends, il va déjà répondre correctement. Après, je lui dirai. Il peut pas. Ouais, je peux pas si tu me donnes pas ta réponse avant. Non, bah alors dans ces cas-là, n'attends pas ma réponse. Je réponds. Sur Internet. Oh, Mistoise. Briquet, pardon. Bah oui, c'est pas moi. Non, mais 5 minutes. Ok. Ouais, donc sur l'IRC, il y a Fedji qui te demande si c'est la télé qui pollue ou si c'est les animateurs télé. Là-dessus, faut dire une chose, c'est que en ce moment, vu ce qu'on voit à la télé, je pense que on a du mal à savoir ce qu'on va regarder comme chaîne. Hein. Bah ouais, mais alors dans ce cas-là, toi aussi tu pollues, puisque tu passes sur Fun TV. Alors là, je vais te dire une chose, Briquet. Tu vois, Briquet. Ouais. C'est con ce que tu viens de dire. Pourquoi? Ouais. Parce que là maintenant tu dégages. Je veux plus te revoir. Hop. Salut à toi, Briquet. Salut à toi, Briquet. Salut. Gérard. Oui. En plus, il avait tort parce que ça pollue moins quand ça passe par satellite que quand ça passe par courant, la télé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui c'est qui vient de dire ça? C'est moi, sucre d'orge. Ouais, ben sucre d'orge, fais gaffe parce que tu risques de le faire comme briquet si non, tu veux. C'est vrai, non, Gérard, attends. Ça pollue moins quand ça passe par satellite que quand ça passe par courant. Ouais, non, mais faut dire une chose, qu'à l'heure actuelle, pour voir des émissions de cons, Hein, des émissions qu'on sait même pas ce que ça veut dire. Donne des exemples pour toi d'émissions polluantes. Moi, je peux te dire une chose, des émissions polluantes, tu sais ce que c'est ? Non. C'est l'après-midi. Hein ? Sur quelle chaîne ? Même le matin, sur les coups de 9h, c'est pas pour critiquer Françoise. Mais c'est quand pas des émissions, c'est des séries, ça, nuance. Ouais, mais même, quand tu vois Amour, Gloire et Beauté, ça a ni queue ni tête parce que ça a rien à voir. L'après-midi, ouais, mais t'as qu'à zapper. Ouais, mais la paix de l'amour, c'est pareil, ils ont signé pour 10 ans. Oh non. Ça pour 10 ans, ouais, mais pour 10 ans, de toute manière, tu peux rien voir. Tu comprends même pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est la Victoria, lui, hein. Victoria est cool. Et Cole, je pense que c'est ça. C'est de la merde, mais tu regardes. Alors, faudra non, savoir. Non, moi, je regarde pas. Attends, ça. Attends, t'es en train de nous dire les prénoms et tout, là. Victoria, non, ça va être machin, bidule. Non, on s'en fout. Donc, c'est pas Lyon pour toi. Pourquoi on s'en fout, non, elle peut réagir quand même. Non, mais on s'en fout de la série, c'est ce que je vais te dire. Ouais, ben, peut-être. Donc, c'est pas Lyon. Moi, je vais te dire une chose. Ouais. Je préfère regarder des reportages comme j'ai vu hier, que malheureusement, j'ai. Je me suis endormi dessus. Ah, ouais. Bon, hein. Je préfère regarder des reportages sur les routiers, ouais, ah oui. que de voir des émissions, des feuilletons qui durent ils commencent à 14h05 et à 14h45 c'est terminé. Ouais, mais je vais te dire un truc, les routiers polluent quand même. Ouais, mais attends, les routiers polluent peut-être, mais on est bien content de les avoir pour se nourrir. Et pour ravitailler les magasins et les stations-service. Parce qu'on est bien content de les avoir, grâce à eux. Qui bouffe ? C'est quand même grâce à eux, si on bouffe. Ouais, mais ils polluent quand même. Oui, mais ils polluent. Mais grâce à qui t'as de l'essence dans ta voiture ? Grâce à eux, aux garagistes. Mais ouais, mais les garagistes, ils font appel à qui ? Au transport routier. Ouais. Ouais, oui. Et voilà. Eh oui, Manu. Bah non, c'est le train. Mais non, le train. Mais attends, le train, avec le train, tu vas. Tu vas pas loin. Je sais pas où. Tu vas pas loin, surtout en ce moment. Ouais. Hein, surtout en ce moment, et avec ce qui se passe. Alors, bien sûr, sinon, excusez-moi, on accueille Greenpeace, 26 ans de Colmar, où on peut écouter Fun sur 92.2 FM. Bonjour, Greenpeace. À la place de Briquet. À la place de Briquet. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Salut. Salut, Salut. Donc, sixième question. Oui. Peut-on faire l'amour en polluant ? Non, c'est bien la question. Ah ! Ah, ça c'est une bonne question, Gérard. Ah ouais, mais... Est-ce que... Mais quoi ? Mais quoi, ouais. Oui, mais quoi ? C'est Greenpeace, tu peux répondre ? Oui. Alors en fait, moi je trouve qu'on peut, effectivement faire l'amour en polluant. Si par exemple on fait l'amour sur une péniche et qu'après, en faisant l'amour, on voit une collette de je dirais pas la marque, et on la balance dans la Seine. Voilà. Non mais attends, là je vais te dire une chose, Greenpeace, ouais. Là déjà, j'ai rien dit de méchant. Non mais là tu reviens tout à fait à la première question. Ouais, Anthony. Quoi? Ouais, ouais. Okay, non mais on peut faire l'amour quand même sur une péniche, puisque partout. Donc à ton avis, est-ce qu'il a raison? S'il a pas raison, t'expliques. C'est ça. Non mais moi je vais te dire une chose, c'est pas parce que tu vas faire l'amour et que tu rebalances des canettes dans la Seine, ok? Bah tu peux si t'es assoiffé en train de faire l'amour. Moi je pense que... Ah là il a peut-être raison. Bah faut se réhydrater hein, sinon tu meurs. Est-ce que t'as soif toi quand tu fais l'amour? Non. Non, moi je fume une cigarette. Ah, mais bah, tu pollues alors. Donc on peut pas. Ah, non mais moi je fume une cigarette chez moi. Nuance. Ouais mais tu pollues quand même. Ah non mais moi quand je fume une cigarette j'ai la fenêtre ouverte. Ah ouais. Ah bah ouais, donc tu pollues, hein. Ah non, mais je pollue quoi? Je pollue personne? Bah, je pollue l'atmosphère. Mais dans ces cas-là, les pots d'échappement des voitures, ils polluent quoi? L'atmosphère? Non, mais attends, pendant l'amour aussi, Gérard, il t'arrive d'avoir des pollutions nocturnes. Mais d'accord. Ah, mais ça, ouais. Ça, il y a une personne qui pourra répondre si elle veut bien venir à côté de Manu pour répondre à la question, mais elle veut pas. Ah, mais c'est pas grave, on continue le débat. Hein. On va pas s'arrêter pour ça. Moustache. Ouais, je t'écoute. Mais non, mais attends, Moustache. Ouais. Oh, Moustache, tu travailles? Ouais, je m'arrête. Non, mais si tu veux... Bon, je vais sauter cette question. Voilà, je vais écouter, comme ça au moins, tu vois... Bon, bah alors, Moustache, bonne nuit. Allez, hop. Bonne nuit, Moustache. Au revoir. C'est pas la peine de le reprendre sur un autre nom. Hein. Christian de la Saint-Cloud. Moi, j'aime bien faire l'amour n'importe où, même dans le froid. Ouais, mais peut-on faire l'amour en polluant? Non, je crois pas. Pourquoi? Non, mais pourquoi tu vois, c'est bien. Non, mais on avait bien précisé, il n'y a pas de pourquoi ni des comment. Donc maintenant, tu le laisses répondre si. Alors, why? C'est très difficile. Ouais, mais alors. Comment. Pour, ah non, pas de pourquoi, Gérard. J'ai du mal, hein. Ouais, mais. Ah ouais, bah ouais, t'es bien emmerdé. Dans quel sens que... Non, parce que là, c'était des comment ici. Ah non, on n'a pas. Alors, moi, je fais ce que je veux. Ah d'accord, t'as le droit, ok. Donc, Christian, donc. Dans quel sens? Peut-on faire l'amour en polluant? Pour toi. Dans le foie. Ouais, dans le foie. Ouais, mais je vois pas du tout le rapport. C'est vrai. Parce que dans ce cas-là, tu cherches une aiguille dans une botte de foin. Oh, ouais. Hey, dans ce cas-là, Christian. Oui. Christian. Écoute, Christian, oui. Moi, je vais te dire une chose. Oui. Donc, je vais répondre à la question. Oui. Donc, si, admettons, tu n'arrives pas à trouver la foufoune de la personne, oui. Donc, tu es obligé de la chercher dans une botte de foin. Exactement. Voilà. Voilà. Voilà. Alors, on va demander à Coquelicot. Non, moi, je crois pas que ça pollue. Franchement, non. Ouais. Ouais, mais est-ce que t'as déjà essayé, toi? Non, franchement, non. Non, mais bah, attends, 19 ans, je pense que... Oh, c'est vrai, à 3, ils font pas beaucoup l'amour, hein. Est-ce qu'on sait, t'y habitais? Ah, Fildar. Ouais, ouais. Braguette. Oui. Donc, toi bah, moi, je suis d'accord avec Coquelicot. Je dis que ça pollue pas. Ouais, bah, toi non plus, t'as pas essayé là-bas. Ah, si, moi j'ai essayé. C'est clair que ça pollue pas, j'ai essayé dans les volcans, j'ai essayé dans les petites rivières autour des volcans et j'ai pas pollué. Hein. Ouais, non, mais de toute manière, les volcans, j'ai annulé. Normalement, c'était le thème du deuxième débat, mais je l'ai annulé parce que c'était pas évident. Ouais. Non, puis même. La route Asia, c'était pas libre. Non, mais même, c'est... T'as c'est pas de problème en ce moment avec les volcans, la grève et tout, c'est chiant. Ouais. Non, mais même les volcans, c'était pas... ils en parlent pas assez à la télé, tout ça. Moi, je sais très bien que j'ai été sur Clermont il y a 3-4 ans. J'ai été me balader. Je sais que c'est là-bas qu'on voit... Il y a un coin qui est volcanique. Mm-hmm. Non, mais... en Auvergne, je sais, c'est le truc des volcans. Mm-hmm. Mm. Donc. T'étais à Vulcania, non? Ben, j'y ai été, oui, mais c'est pas évident parce que quand tu vas à pied, faut quand même monter la côte. Hein. Ah ouais. Parce que tu peux pas y monter en voiture. Et Gérard, je voulais te poser une question, c'est Greenpeace. Ouais. Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé à San Francisco, Volcano? Il y a un volcan qui est sorti de San Francisco. Ouais. Non, mais attends, pour l'instant, on est dans la pollution, d'accord? Ok. Ok. Sucre d'orge. Oui. Bah alors moi je trouve que l'amour c'est trop beau quoi. Ça pollue en aucun cas. Oui, c'est ça, c'est clair. Moi ouais, bon, c'est tout ce que t'as à dire. Ouais. Non mais je pense que là ce soir on dirait que vous êtes pas réveillés là. Mais si, Gérard. Non, ils sont calmes, nuance. Voilà. Attends, il y a un autre sucre d'orge là. Tu veux, on peut s'exciter. Hein. Quoi, un autre sucre d'orge? Ouais, il y a plusieurs sucres d'orge dans cette maison. On est trois sucres d'orge. Je vais te le foutre mon sucre d'orge, moi, tu vas voir. Il y a plein de sucres d'orge. Bah réponds alors, vas-y. Eh ben moi je me dis que ça pollue pas et que Gégé, je sais pas pourquoi il pose la question. T'as pollué en son amour, Gégé? Ah bah ça, je vais te dire une chose, sucre d'orge, tu vas te calmer déjà. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas compris ta question. Ouais, voilà pourquoi toi, Gérard, t'as écrit cette question. Pourquoi toi, tu penses que l'amour ça pollue ou pas? Non, peut-on faire l'amour en polluant? Oui. Bon, de toute manière, tu peux faire très bien l'amour, comme Moustache disait, ou Greenpeace, ou Coquelicot, ou Bounty, je sais plus. Enfin bref. Enfin bref, on s'en passe. Mais je pense que faire l'amour, tu peux faire l'amour où tu veux. Ah mais ça pollue pas. Ah oui, mais, voilà, mais d'accord. Mais je crois pas pourquoi que tout de suite, il y en a qui s'attachent sur des trucs qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir sur le thème du débat. Et mais pourquoi t'as pensé à cette question, toi? Bah pourquoi? Parce que c'était une question qui me venait à la tête, je voulais savoir. D'accord. C'est okay. Tout. Donc comme ça, t'as la réponse, t'es content. Ouais, bah, j'ai la réponse, de toute manière, il n'y a personne qui est capable de répondre. Alors, un orage provoque-t-il une pollution atmosphérique? Oui. Non. Oui, Christian. Un tonnerre, un très fort tonnerre. Non, mais un orage provoque-t-il une pollution atmosphérique? De gros dégâts, de gros accidents, des gros qui provoquent pas mal de dégâts. D'accord. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux me dire. Oui, Rigo ? Non, non. Rien. Vas-y. Moi, je croyais. Sucre d'orge, elle veut parler. Sucre d'orge ? Moi, je dis que ça nettoie un orage. Après, tout est beaucoup plus propre. Elle a raison. Non mais un orage provoque-t-il une pollution atmosphérique? Moi je peux vous dire une chose que non, c'est pas fini. Non mais attends sucre d'orge, je réponds à ta question s'il te plaît. Je t'en prie. Hein? C'est que vu le cyclone George et tout ça. Ah. Ouais mais ça je vais vous dire une chose. La couche d'ozone. Ça a rapport ou pas? Bah oui. Oui, oui, parce que moi je vais te dire une chose. Dans ces cas-là, on parle d'un orage. Tu viens de dire ? La couche d'ozone. La couche d'ozone. Ozone, pardon. Donc tu prends le truc météorologique. Oui. La couche d'ozone, oui. avec les gaz d'échappement. Vous allez apprendre quelque chose ce soir, écoutez. Avec les gaz d'échappement, tu peux avoir plus de pollution. Oui. Donc cet été, on a atteint le barème, voire 4-5 à un moment donné sur Paris. Sur Richter. Non, Christian. Non, on n'a pas dépassé le barème 5. 5,9, je crois. Non, on est resté à 5. Ouais. Mais il faut dire une chose, c'est que là-dessus, quand on dit, ouais, les pastilles vertes, je vois pas ce qu'elles ont à faire là-dedans, parce que de manière les gens prendront toujours leur voiture pour se déplacer pour aller au boulot. Ouais, mais ils ont pas besoin de bouffer de pastilles Valda pour ça. Mais la pastille verte, c'est tes conneries toi. Donc tu perds ton standard et réponds pas aux questions, c'est tout. Pas, Manu. Réponds pas. Je peux accueillir un nouvel auditeur par contre. Allez. Donc on accueille quel numéro? 20 ans de Toulouse sur 105.9. Salut, quel numéro? Bonsoir Paris et bonsoir le bar où je travaille, c'est-à-dire Max et les Ferrailleurs. Quel Ascar! Ok, bah salut à toi, quel numéro? Pardon? Non, c'est une petite pub. Non, mais les pubs, on les fait pas. Non, moi aussi, c'est la liste sans pub, ok? Et Manu, tu penses sur les 24 lignes, parce que je suis venu lui donner un coup de main, il y a 24 lignes. Bonsoir. Ouais, Gérard. Alors, ta couche. Bonsoir Gérard. Ah, salut. Est-ce que tu peux répéter ta question? Moi, je suis au standard. J'arrive pas. Ah, Gérard, excusez-moi. Gérard. Je sens que tout à l'heure, il y en a, il va se prendre une pêche. Gérard. Donc, alors, un orage. C'est quel numéro ? Oui, ouais, bah, je répète la question. Merci. Un orage provoque-t-il une pollution atmosphérique ? Non. Alors, pourquoi quel numéro ? Ah non, c'est pas moi qui ai dit non, déjà. Moi, je ne sais pas, je ne pense pas, mon cher Gérard, je ne crois pas. Ouais, mais réponds quand même à la question. Alors, un orage. C'est moi, pardon. Eh bien non, je ne crois pas, Gérard. Quel numéro? Pourquoi que t'appelles? Ben non, mais pour participer au débat, Gérard. Mais se pose la question, si tu veux pas répondre, si t'as pas la réponse, c'est pas la peine d'appeler. Il répond à une question qu'il n'est pas obligé de participer à tout le débat. Mais là, pour l'instant, il est même pas capable de me dire. Non, c'est pas grave, il répondra à la prochaine. Avec les éclairs et tout, oui, tout à fait, je pense, oui. Voilà, d'accord. Pour sortir un peu du débat, excuse-moi, il y a Steph sur le Minitel qui demande si les pets fouf polluent l'environnement. Bon, oh bah ça, c'était quand on faisait l'amour. Je vois pas du tout. Mais il vient d'arriver. Non, mais je vois pas du tout. Je vois pas le rapport avec. C'est une sorte d'orage. C'est une sorte d'orage. Non. Bon, ça pollue pas, là. Christian. Merci. Ouais. Christian, pour toi. Voilà, ouais. Steph. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm-hmm. Christian, je t'ai reconnu. Pourquoi, Tony, tu prends cette voix de mongole? Bon, vous commencez à vous calmer, là. Ouais, calmez-vous. Hein, quel numéro? Ah, c'est pas moi, hein. C'est l'autre, là, Moustache, là. Ouais, Moustache, Gérard, tu devrais le virer parce qu'il fout la merde depuis... Ouais, ouais. Non, mais c'est bizarre, Manu, je t'avais dit... Moustache est parti, donc... Pourquoi qu'on le récupère? Mais il est pas là. Donc, dans ta fiche, Gégé. Non, mais attends, j'attends qu'il me refasse une fiche propre. Voilà, Coquelicot. Bon, je peux te répondre. Coquelicot. Oui, bah moi, je dis que ça... Je pense pas que ça pollue, non. Ouais, mais... l'orage, t'as pourtant, t'as bien vu des orages, t'as bien vu... Mais Gégé. Oui. Des fois, il y a des orages de pluie acide. Hein. C'est qui parle, là? C'est sucre d'orge. Oui. Des fois, il y a des orages polluants. C'est vrai. Oui, les pluies acides. T'as raison, il y a des pluies acides, des fois, ça pollue tout sur son passage. D'accord. Bah, c'est une musique, tout ça. Ouais. Braguette? Ouais. Moi, je dis que c'est le contraire, en fait. C'est la pollution atmosphérique qui provoque les orages. Mais c'est bon, en fait. Un bon orage, une bonne pollution d'orage, c'est bien. C'est infini, hein. Non. Infini, elle a raison. Et puis l'électricité statique, ça fait peur aux enfants. Moi, je peux vous dire une chose, que l'orage, pour moi, personnellement, vu ce qu'on en... Rigo, vas-y, avant que je termine. Ouais, c'est juste Shun sur l'IRC qui te demande ce que veut dire atmosphérique, parce qu'il sait pas du tout. Bah, atmosphérique, c'est atmosphère. L'atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? L'atmosphère, c'est les nuages et c'est tout ça. Okay. Quand vous voyez des gros nuages noirs, là, vous pouvez être sûr d'avoir un gros orage. Quand vous voyez des éclairs, c'est pareil. Gérard, c'est Greenpeace. Moi, j'ai pas répondu. Ouais, vas-y. Moi, je pense que les orages, ça pollue carrément pas, puisque, en fait, à Paris, quand il y a de la pollution, c'est qu'il y a de la chaleur. Donc, les orages, il fait froid, généralement, et voilà, ça pollue pas. Non. Pourquoi, Gérard ? Non. Pourquoi ? Je veux dire une chose. En été, quand on n'a pas de pelote, on se plaint parce qu'on a trop chaud. Et quand il pleut, c'est pareil, on se plaint parce qu'on a trop froid. Oui, mais Gérard, moi, ce que t'as pas compris, c'est que... Tu vois, quand... Ouais, c'est vrai. Dis carrément que je suis un con, que je comprends non, pas. Non, c'est pas... Moi, je le... Enfin, non, mais bon... Non, tu le penses... tu veux pas le dire, mais tu le penses. Exactement. Ouais, alors, Greenpeace, bonne nuit. C'est bon. C'est Moustache qui a dit ça. Non, c'est pas moi. Non, Greenpeace et Moustache, bonne nuit à vous deux. Voilà. Hop. Et bonne nuit. Allez hop, terminé. On va terminer, il nous reste deux questions. On va terminer avec Sucre d'Orge, Braguette, Coquelicot, Bounty et Canumero. Voilà. Alors, le parfum est-il un moyen de pollution? On va demander à Canumero. Oui, alors moi j'estime que oui, parce que je vois des grosses bonnes femmes des fois qui se foutent de la cocotte et tout. Et tu sais, quand t'es dans un endroit, dans un magasin et tout, et que t'es à côté d'elle, elles s'en foutent plein, c'est une horreur, c'est une pollution du nez, quoi, oui. Ouais, mais ça, je veux dire, quel numéro, moi, je peux te confirmer, en fait, c'est que... Oui. Non, mais quel numéro? Oui. Quel numéro, je vais te répondre. Je pense que Coquelicot, Bounty, Braguette et Sucre d'Orge, bon, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Ouais, moi, c'est d'accord. Donc, je pense que je vais vous dire une chose là-dessus sur le parfum. C'est que dès que par exemple une personne va avec sa copine pour y acheter du parfum, on prend une bonne marque. Donc déjà rien que si elle en paye le peu sur le pomme de sa main, déjà tu vas le sentir pendant un bout de temps. C'est véridique. Hein? Donc c'est pour ça que. Mais ça dépend quel parfum en fait. Oui, mais même que ça soit du parfum pour femme ou pour homme. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait il y a des bons parfums, il y a des mauvais parfums. Les mauvais parfums, il y a des mauvaises choses dedans et c'est les parfums qui puent, genre marque de sport. Tu vois ce que je veux dire? Et Attends. Qui c'est qui vient de me parler de marque de sport là? Est-ce que l'Adidas ça pue ou pas? Attends. Justement, tu me coupes. J'ai aussi. Un jeune là que j'ai à l'antenne, mais ils ont été au moins on parle de la pollution des téléphones portables. Il faut savoir si les portables, téléphones polluent tout ce qui est électronique. Non, mais ça, qui revient souvent. Ça, sur l'électronique, ça m'étonnerait que ça pollue. Pourquoi? Ça dépend des gens qui veulent l'acheter. D'autre part, excusez-moi tout le monde. D'autre part, on accueille Prof Salade qui est chercheur au CNRS à la place de Greenpeace. Non, mais attends. Tu le dis au grand chef parce que c'est lui qui l'a sélectionné. Non, c'est moi qui l'ai sélectionné, je sais pas s'il est valable. Ouais, mais j'espère que ils ont pas changé de nom pour. Non, c'est moi qui viens de le rappeler là, à l'instant, sur son portable. Par contre, il est sur son portable. Parce que, là, sur portable, il est normal, il est dans son laboratoire. Donc, on t'écoute. Oui, allô? Oui. Bonsoir, Gérard. Oui, je suis désolé de taper d'un portable, mais voilà, je suis au moins. Non, mais on t'écoute. Oui, donc je vais démontrer comme 2 et 2 font 3. Non, 2 et 2 font 4 chez moi, pas 3. C'est un incendie de forêt. Je suis désolé de revenir sur le début du débat. Non, on en est à la 8e, on parle du parfum, on ne reprend pas les questions du départ. D'accord, donc... Sinon, tu vas retourner voir le chef. D'accord, donc est-ce que tu as fait de la chimie dans ta vie? Non. Voilà, donc est-ce que tu sais que la combustion du carbone avec de l'oxygène donne de l'eau et du CO2? Ouais, mais attends, je vais te dire une chose, je me suis tapé de... Il essaie de nous impressionner, il est nul, là, le gars. Non, mais je me suis tapé des acides de carbone quand on était en Allemagne avec Sandy, chez Goodyear, sans... C'est bon. Je vais te dire une chose que... C'est pas mauvais, ça, non? Ouais, mais... Oui, Rigo? Non, rien. Non, je croyais que tu avais une question. Sur l'IRC, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire. Que tu fumes des acides de carbone, mais je vois pas le rapport. Non, mais ça, moi non plus. Le carbone, ça n'existe pas. Oui, ben, les acides de carbone, tu sais, ça sert à quoi? À quoi? À faire des pneus et des joints de voiture. Ah, ouais, je le savais pas en plus, il est dit comme ça au hasard. Bon, c'est bon, là, derrière ceux qui veulent. Donc, on revient sur l'histoire du parfum. Là. Oui, sucre d'orge. Donc, je pensais. Qui c'est que tout à l'heure qui m'a posé une question là Ouais, c'était sur les parfums genre de sport, des trucs pourris là. Ouais, Adidas, tout ça. Gérard, moi je disais que les parfums, bah, ça pollue parce que c'est fait pour cacher les mauvaises odeurs et les mauvaises odeurs c'est de la pollution. Alors les sportifs qui puent mettent du parfum et c'est pour cacher la pollution et tout ça c'est pour cacher la pollution. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais il y a des parfums, quand ils sont doux c'est agréable, ça pollue pas. Mais il y a les parfums de chiottes aussi, ça pollue parce que ça prend la couche d'ozone. Ouais, d'accord. Il y a l'autiste qui veut parler derrière. Tu es la ferme, toi, s'il te plaît, derrière. Merci. Donc, je pense que je vois pas du tout le rapport. Christian, pour finir, on va en terminer sur cette question-là, là, parce que. Moi, je trouve que les parfums, ça sent très bon, même sur une femme. C'est très agréable à sentir une femme qui a beaucoup de charme et du parfum. Ouais, mais alors, Christian. Moi, je vais te poser la question. Et ça, toi, tu vas répondre. Tu vas te mettre à côté de Fuldard. Quoi, non? Non, oui, non, moi je réponds pas, je croyais que je devais répondre. Non, non. Parce que moi je vais te dire une chose, une nana qui s'en met trop, par un moment donné, ça fait mal à la tête avec. Pourquoi? Non, attends, il n'y a pas de pourquoi, toi, tu vas la fermer. C'est pas à toi que je m'adresse. Quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras de sous le lit, toi. Ok? Non, je vais fumer à ton courroux. Alors, dans ce cas-là, t'as qu'à fumer la moquette et on verra. Ah, ça pollue. Ah ouais, la moquette. Hein. Ah, okay. Alors, va fumer la moquette. En même temps, je me permets, Max, c'est Max. Si le mec, il dit, quand tu dis que quand une femme met trop de parfum, ça donne mal à la tête, quand il te demande pourquoi, c'est normal qu'il te pose pourquoi. Parce qu'il aimerait savoir pourquoi. Oui, voilà. Ouais, mais parce que j'en connais une, elle s'en met du matin au soir. C'est pas parce que moi, je m'en mets beaucoup, mais je voudrais bien qu'elle réagisse là. Allez hop. Ça, c'est peut-être pour camoufler la transpire. Par contre, il y a des mecs qui ne font pas de parfum. Tenir le fond de Attendez, s'il vous plaît, derrière. Merci. Il y a un morceau. Disons que le parfum, c'est bien. T'es obligé d'en mettre. Si tu vas à un rendez-vous, t'es obligé de mettre du parfum. Ah ouais, mais attends. Tu vas voir un rendez-vous, tu te mets. Attends, je te réponds à ta question. Ouais. Et là, je pense qu'on va se marier. Tu crois que tu vas dans un bureau d'un directeur, par exemple, moi je vais voir Axel. Hein, j'arrive, je suis avec ma bouteille, vas-y, hop. Non, mais moi je prends pas ma bouteille sur moi. Hein. Okay. Mais dans ces cas-là, c'est pareil. Soir, j'ai même pas amené ma bouteille de parfum, donc tu vois. Hein. Ah, elle est tombée dedans, ok. Ouais, elle est tombée parce que t'es à côté, toi. Tu te calmes, hein. Tu gardes tes mains. Ah, t'inquiète. Tu gardes tes mains. Touche pas à ta cam. Ça c'est ma propriété. Hein, je sais. Défense d'y toucher. T'as un droit de bail, non? Ouais, j'ai un droit. Ouais. Le débat. Voilà. Donc, dernière question. Ouais. Je pense. Ça, c'est. Ça, vous. Le chef, il va répondre. Parce que c'est lui qui l'a sélectionné. Bon, je pense que ça va me retomber sur la gueule, mais c'est pas grave. Mm-hmm. Les boissons sont-elles à. Oui. Ah oui, qui? Quel numéro? Alors, quel numéro, vas-y? Bah oui. T'as même pas entendu la fin de la question. Est-ce que c'est une pollution pour toi? Oui, certainement. Ah, voilà. t'es content de ta réponse? Pour moi aussi, hein, parce que moi, je bois beaucoup. Tu sais, ma mère est écossaise, donc j'ai bouillé dans le sang depuis que je suis petit. Ton père est polonais, non? Non. Allô? Ouais, on t'écoute. Est-ce que les toilettes de la loco sont polluées? Bon, alors, quel numéro? C'est pas quel numéro, c'est prof salade. Ça y est. Voilà. On a viré direct. C'est bon. Eh, Manu, qu'est-ce que je fais? Non, parce qu'il avait son portable. Je fais pas bien. J'avais prévenu. Ce soir, le premier débat, je veux pas le casser. C'est nickel, là. Attends. Ok. Là, t'es en train de me niquer. C'est prof salade, il est parti. Maintenant, tu te démerdes. Je veux pas savoir. Bounty pour toi. Oui, ben moi, quand je vais dans quelque part, je bois de l'alcool, mais très modérément. D'accord. Coquelicot. Moi, je ne bois pas du tout. Donc, je peux pas répondre à cette question. Oui. Braguette. Ouais, alors moi, je bois pas non plus et je supporte pas les gros cons qui picolent, quoi. Pour moi, parce que eux, ce sont des pauvres. Ouais. Alors, attends, je vais te dire une chose, Braguette. Yes. Quand tu vas dans une boîte de nuit, oui, t'en vois des gros cons. Ouais. T'en vois, hein. Oui. Et à Clermont-Ferrand, il y a des boîtes de nuit quand même. Et puis il y a aussi des gros cons qui picolent. Ouais, alors dans ce cas-là, pourquoi que tu vas dans les boîtes de nuit s'il y a des gros cons? Bah attends. J'ai le droit de sortir quand même. Bah voilà. Il y a des bons DJ. Ouais, sucre d'orge, oui, pour finir. Moi je bois beaucoup, mais que de l'eau, alors je peux répondre que boire ça pollue pas quand tu bois de l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est limite quand même. Ça m'étonnerait. À mon avis, ça m'étonnerait. Je bois un petit peu de champagne de temps en temps. Ouais, un petit peu quand même. Un tout petit peu quand même. Ouais, tout à fait. Directement dans la coupe. Est-ce que tu penses que pour toi, c'en est une, Gérard? De quoi? Bah, une pollution. Non, mais moi, je vais te dire une chose, que si je bois, c'est mon problème, c'est pas le vôtre, et ça vous regarde pas, les auditeurs. C'était pas ça la question, Gérard. Hein. Non, mais... savoir si c'est pour toi de boire, c'est une pollution ou pas. Ben, ça regarde simplement ma femme, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ça regarde personne d'autre. D'accord. Donc, conclusion. Gérard. Attends, Gérard, justement, pour la conclusion, on va accueillir Cactus, 22 ans de Paris. Bonsoir, Cactus. Bonsoir, Gérard. Cactus. Bonsoir. Salut. Ça va? J'ai pas regardé ce matin. Ouais. T'aurais dû regarder, comme ça t'aurais pu me répondre. Ouais, ben, vas-y. Non, mais tu vas bien, Gérard? Ben, je sais pas, je te dis. Il a pas regardé ce matin, alors ta conclusion, Cactus? Alors, ma conclusion à tout ça, oui, c'est que c'est un très long débat qui était très bien animé par Gérard, ouais, et qui s'est vachement bien passé pour une fois. Et puis voilà ma conclusion. D'accord. Ben, comme t'as fait la dernière question, tu aurais été sur le deuxième. Voilà, classe. Voilà. Il est pas fort. Alors, on va demander à Sucre d'Orge, oui, sa conclusion du débat. Eh bien, je crois que t'as bien organisé le truc. T'as viré ce qu'il fallait virer, t'as gardé ce qu'il fallait garder. Ouais, exactement. Bien joué. Non, mais ça, je l'ai fait parce que j'ai... Ça vient du cœur, ce qu'il a fait. Non. Ça, je dois à quelqu'un, vu ce qui s'est passé mardi, donc c'est tout. J'y avais promis que ce soir, ça, le premier et le deuxième allaient bien se passer. Donc, on n'avait pas dit le deuxième. Non, non, mais attends. On avait dit ça dans le premier. Tu vois, hey, c'est con, parce que toi, toute ta grande bouche, ouais, mais manque de peau. Ouais. T'as tapé la réa. Bon, deuxième. Et les deux. Tu as perdu les deux. Oh non. Oh, non, mais non, toi, tu te fais le soir. Ah, je vais démissionner, moi. T'es baisé. T'es baisé, mon pote. Allez, oh là là. Et toi aussi. D'accord. Alors, Citre d'Orge. Oui. Conclusion. Eh bien, je pense que même si on a dit beaucoup de bêtises et beaucoup de choses intéressantes, le fait... Non. On n'a pas dit une chose intéressante. Hein. Je tiens à te dire. Par contre, on a dit de ces conneries. Non, mais le simple fait d'avoir répété le mot pollution toute la soirée, c'est bien parce que ça rentre dans la tête des gens et puis ils vont en prendre conscience petit à petit. Voilà. Braguette? Ouais, alors moi, sur le thème, en fait, sur la pollution, bah, je trouve que c'est bien la pollution parce que ça fait réagir les gens, parce que maintenant, on privilégie l'électricité, on est pour privilégier aussi le chauffage, tu vois, solaire. Et sinon, bah, pour le débat en lui-même, bah, quand tu es gentil avec les gens sont gentils avec toi. Oui, c'est vrai. Bien. Mmh. C'est vrai. Quel numéro? Non, Coquelicot. Bah, moi, c'est la première fois que je viens à un débat avec toi. Et ben, je trouve ça très sympa et je trouve que ça a apporté beaucoup de choses quand même. Même s'il n'y a pas que des choses intéressantes, c'est vrai. Mais je trouvais que c'était très sympa et j'espère que ça va faire réagir des gens. Christian de la 705. Oui, bah, moi, j'adore beaucoup ton débat. Et c'est pas mal de... Ça apporte beaucoup de choses et j'adore pas mal ton émission. Qu'est-ce que ça a t'apporté, Christian, le débat de ce soir, toi? Beaucoup de choses. Sur la pollution, sur le cinéma, sur le... Non, mais attends, Christian. Oui. Christian. Oui. Christian. On n'a pas encore fait. Oui. Non, mais je sais. Non, sur la pollution, sur certaines choses, oui, sur les orages, sur tout. Oui. Ouais. Sur les parfums. Ouais, mais t'avais pas autre chose à demander, parce que je t'ai entendu tout à l'heure à 22h. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Quel numéro? Ouais, bon, alors pour ma toute première participation au débat de Gérard, moi j'ai trouvé ça bien. Mais bon, je sais que t'as la pollution, toi, c'est ce que tu vis au jour le jour. Et c'est, à Paris, c'est, ouais. C'est pénible pour toi. Non, mais de toute manière, ça, la pollution, on la vit dans toutes les villes. Hein. Ouais. Je vais te dire une chose. Ça, tu peux pas t'y échapper, que ce soit sur Paris, sur même en province, je pense que tu peux pas y échapper. Hein. Il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas de pollution, Gérard? Je pense pas, non. Carlo? Comment? Suresnes. À Suresnes, ouais, Suresnes, quand tu vas te faire foutre. Non, je parlais camion, là, le truc, là. Oui, moi aussi, je parlais de camion. Hein? Ouais. Ok? Ouais. Allez, bonne nuit à toi. Oui. Non, tu en passes au standard, tu poseras la question. Ok, mon gars. Je sais pas, il y avait une dernière auditrice là. Elle est passée, c'était Cactus. C'était Cactus et elle a fait sa conclusion en premier. Donc à toi de faire ta conclusion, Gérard. Donc, conclusion sur le premier débat. Donc, j'ai répondu quand même un peu aux gens. J'ai même coupé la parole pour répondre sur les questions. Bien, ouais, t'as bien fait. Donc, je pense que le deuxième. Je voudrais qu'il se passe comme ça. D'accord, mais la pollution. Ouais, mais il faudrait qu'on ait moins de pollution, ouais. Moins de voitures. D'accord. Parce que là-dessus, ça sera dur. Donc, le deuxième débat qui va porter sur le cinéma. Mm-hmm. Et on va s'écouter Bernard Mauvaise Haleine avec Drage et Puka. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0800 375 000 et toujours 3615 Code Fun Radio et l'IRC qui fonctionne bien, je ouais, pense. À plein pot, ça pulse à mort. Voilà. On se retrouve tout à l'heure d'ici 10 minutes. Hein.